Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec deux personnes dans nos studios. Monsieur Xavier Battistella de la Maison de la Bresse, on ne le présente plus, c'est un habitué, qui est venu aujourd'hui avec une nouvelle collaboratrice, Margot. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Comment ça va? Ça va plutôt bien. C'est super. Voilà, très heureux de pouvoir accueillir Margot avec nous, parce que c'est une personne qui est vraiment formidable, qui nous aide sur la communication, notamment pour le Festival de Sculpture. Et bien oui, que l'on retrouvera très prochainement justement pour le Festival de Sculpture Camille Claudel. Vous viendrez nous en parler plus précisément. C'est le grand bain à chaque fois qu'il y a une nouvelle collaboratrice ou collaborateur, passe par Radio Gemozo au micro. Une étape obligatoire. C'est bien, voilà. Enchanté en tout cas. On sait apprécier les bonnes choses, mais on connaît la qualité de Gemozo, donc il faut envoyer les gens aux bons endroits. C'est gentil. Alors aujourd'hui, on ne parle pas du festival Camille Claudel, ce sera pour la prochaine fois. On parle de ces fameuses soirées 20h04. La prochaine aura d'ailleurs lieu jeudi 9 mai, 20h04 de l'idée sans détour. De quoi s'agira-t-il ce jeudi? Alors peut-être on va vous rappeler simplement le principe. Oui, bien sûr. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, même si vous devez plus être très nombreux à ne pas connaître maintenant. Donc ça commence à 20h04. Oh bravo, vous avez bien retenu. Alors pourquoi 20 et 4? Parce qu'on a quatre intervenants qui ont chacun 20 minutes pour s'exprimer, oui, pour nous passionner, pour essayer de piquer notre curiosité et pourquoi pas continuer ensuite à discuter, puisque une fois que les quatre interventions sont terminées, on propose un pot et les gens peuvent discuter avec les intervenants tout à fait librement. Ouais, ça, c'est super. Alors attention, les soirées sont un petit peu prises d'assaut. Est-ce qu'il faut réserver pour assister à ce 20h04? Alors non, on ne demande pas de réservation. Non. Peut-être qu'on devrait, mais on vous conseille comme de ne pas venir à la dernière minute. D'accord. Donc venez vers 19h54. Oui, vous venez entre 8h moins le quart, 8h moins 10, vous devriez encore avoir un peu de place. Les meilleurs sont prises d'assaut, effectivement. Voilà. Alors, on y parle de sujets très éclectiques dans ces soirées 20h04. Quel thème est abordé cette fois-ci? Alors, cette fois-ci, on aura encore une fois de l'éclectisme, avec tout d'abord Gilles Laporte, qui parlera de la liberté d'expression. Alors, Gilles Laporte, c'est pareil, je pense que c'est quelqu'un qu'on ne présente plus. Il est écrivain, il sort entre 1 et 2 livres par an depuis quelques décennies. Il a aussi fait de la mise en scène pour des films, etc., conférences. Enfin bref, c'est l'homme qui vous passionne. Dès les premiers mots, vous ne décrochez plus. Alors, si vous avez l'impression qu'il n'a parlé que 2 minutes, c'est normal. En fait, il aura quand même parlé 20 minutes, peut-être même 22. Mais on est vraiment suspendu à ses lèvres. Et donc là, il aborde le sujet de la liberté d'expression. Ah, ça c'est chouette. La liberté d'expression, on est dans une radio, on sait ce que c'est que la liberté de parole. Est-ce que la presse est vraiment libre? Est-ce qu'on n'est pas tous un peu formatés dans une pensée unique? Alors, ça semble des banalités, mais il saura nous expliquer son point de vue de manière vraiment passionnante. Lui qui est un fervent admirateur de Victor Hugo, donc la thématique de la liberté et entre autres de celle d'expression sont des thèmes qui lui sont vraiment chers. Oui, et puis c'est un sujet d'actualité, la liberté d'expression. Bien on sûr. Voit de plus en plus de personnes, des mouvements que l'on ne nommera pas, qui ont envie vraiment de se faire entendre, et là on est déjà passionné. Voilà, tout à fait. Et puis je veux dire, donc, quand on en parle à Radio Gemozo, voilà, c'est aussi cette émanation des radios libres, c'était parce que justement on avait besoin d'autre chose. Alors qu'en est-il encore aujourd'hui? Je ne vous demanderai pas votre avis, évidemment, mais celui de Gilles Laporte nous éclairera certainement. Voilà, tout à fait. Alors le prochain intervenant sera lequel? Alors ensuite, On aura aussi la chance d'avoir Marie Thomas, qui est docteur en psychologie, et elle va venir apporter notamment des réponses sur la question de la recherche du bonheur. Ah, ça c'est parfait ça. Oui, alors en fait, c'est quand même une grande question dans l'humanité. Et puis surtout, aujourd'hui, on a l'impression que le monde nous oblige à être heureux. On a cette forme d'injonction à être heureux qui est si t'es pas heureux, en gros, t'as un problème, quoi. Bah oui, t'as forcément. Si j'ai des problèmes, est-ce que je dois quand même être heureux? Est-ce que j'ai le droit de ne pas être heureux? Le bonheur au travail maintenant, etc. C'est vrai. Bon, il faut être heureux, épanoui. Alors justement, cette question du bonheur, parfois, elle entraîne plus de souffrance qu'autre chose. D'ailleurs, faut-il supprimer toute souffrance? Voilà, c'est une réflexion qui sera vraiment à la portée de tous. puisqu'elle va, elle, bien qu'elle soit docteur en psychologie, elle fait des gros efforts pour être accessible à tout un chacun. Et je pense vraiment, connaissant la personne, que là aussi, on va avoir un sujet d'un grand intérêt. Ah ben moi, je suis passionnée. Minute Bonheur tous les mardis à 8h et 13h30. Voilà, c'est mon créneau et on en parle toutes les semaines. Donc je vous invite, auditeurs, à aller à ce 20h04 de ce jeudi pour en savoir plus avec quelqu'un qui nous donnera son point de vue, son expérience, parce que psychologue, c'est quand même pas rien. Hein. Tout à fait. Avis d'un professionnel. Ensuite, on continuera avec qui ? Thomas Jean-Georges fera aussi de la partie puisqu'il viendra nous éclairer un peu sur son parcours puisque c'est un journaliste sportif. Ouais. Donc, il a fait ses débuts notamment au stade de la Bresse et il a aussi fait des interviews, enfin des matchs sportifs au stade de France. Ah oui. Donc c'est quand même un beau parcours. Ah oui, d'accord. Donc à venir voir. C'est un enfant de la Bresse. Ah bah ça c'est chouette. C'est un enfant de la Bresse et effectivement, gamin, il commentait les matchs pour faire rigoler ses copains parce qu'il était déjà passionné et il a atteint son rêve. Wow. Il est devenu... Alors il est aujourd'hui le commentateur officiel du FC Metz. Ah oui. Donc sur France Bleu Lorraine Nord. Ouais, ouais. Et voilà. Et il suit tout ça. Donc effectivement, le Stade de France, il a connu du Stade des Champions. Donc le stade de la Bresse au Stade de France, c'est l'un des sujets de l'intervention de Thomas Jean-Georges. Bah c'est super, en plus un enfant du pays, ça fait plaisir quand même. Bah c'est bien de mixer un petit peu, alors il faut savoir que le 20h04 voit la vie en Vosges, puisque nous sommes rentrés dans cette marque du département. D'accord. Et effectivement, les quatre intervenants sont vosgiens cette fois-ci. Puisque Gilles Laporte, on le connaît bien, hein, il est plutôt du nord des Vosges. Marie Thomas est basée à Gérardmer, Thomas Jean-Georges à la Bresse. Et l'ensemble Noctuel dont je vais vous parler, oui, qui est aussi un ensemble qui s'est créé sur la Bresse, mais qui ne comprend pas que des Bressots, mais des Vosgiens et même quelques Alsaciens. D'accord. Donc l'ensemble Noctuel, c'est un ensemble de chorales. Oui. Qui vont faire des chants a cappella, mais il s'agit de chants du répertoire de la musique classique qu'on a peu l'habitude d'entendre. D'accord. Alors on connaît un peu les chorales de toutes les petites villes, tout ça. À la Bresse, on a aussi une chorale. C'est très sympa pour nous chanter Petit Papa Noël sur un marché de Noël. Là, j'exagère et je ne dégrade en rien la qualité de ces ensembles vocaux. Mais là, ils essaient vraiment de se projeter dans un niveau vraiment supérieur et ils ont des choristes qui ont tous beaucoup, beaucoup d'expérience. Ce ne sont pas des débutants. Et on avait envie de les faire connaître aussi parce qu'ils se sont créés il y a assez peu de temps. Ils sont encore peu connus sur le territoire. On s'est dit que c'était un bon moyen de les mettre en avant et de passer une agréable fin de soirée. Ah mais c'est sûr. Il y a toujours ce petit moment musical. Alors pas forcément musical, non, mais artistique. D'accord. Alors c'est vrai qu'on a plus facile à trouver des musiciens. Mais on a eu Mademoiselle Serge, par exemple, oui, qui est venue nous faire un peu d'humour. On a eu quelqu'un qui nous a fait du photoshopage en direct. Ah oui. Ou des petites choses comme ça. Donc on a eu différents types d'interventions, de la danse aussi. Oui. Mais la musique, c'est quand même... C'est un petit peu plus facile pour nous de trouver. Et puis, c'est surtout quelque chose qui est très rassembleur, quoi. Oui, très divertissant en plus. Ouais. Alors, ces 20h04, ils ont lieu une fois par mois ? Non, pas nécessairement. Non. En fait, on essaie de se trouver à peu près 5 dates par an. D'accord. 5 à 6 dates par an. Et là, c'est la dernière de la saison 2018-2019. Ah, oula, ne manquez pas ça. Et ensuite, on vous donnera un rendez-vous début octobre pour le suivant. Ah oui, alors surtout, ne manquez pas ça. Allez voir toutes les personnes, toutes les personnalités dont on vient de parler. Ça a l'air passionnant. Hein. Moi, je suis déjà passionnée d'avance. Margot, est-ce que c'est votre premier 20h04 ? Oui, tout à fait. C'est la première fois que je vais y assister, donc j'ai plutôt hâte pour pouvoir voir comment ça va se passer et j'invite tout le monde à venir aussi. Ah bah oui, j'imagine. Est-ce qu'on participe au décor, tout ça ? Comment ça se passe ? Alors effectivement, il y a tout un décor, on se croit un peu comme sur un plateau télé, donc ça demande un petit peu de temps de mise en place. Et oui, Margot va devoir mettre la main à la pâte aussi. Elle n'était pas au courant, mais maintenant c'est fait. Il y a quand même pas mal de techniques, puisqu'on essaie aussi de filmer les interventions. Donc on les enregistre également au niveau audio pour avoir une qualité suffisante. Et on en met pas mal sur YouTube. D'accord. Donc quand elles sont de qualité suffisante, parce que parfois, comme on n'est pas des professionnels et qu'on a un petit budget, on n'a pas toujours des très très bonnes qualités. Il y a des erreurs, des ratés. Mais il doit y en avoir avoir une quinzaine actuellement, peut-être même un peu plus, sur la chaîne YouTube 20h04 de l'idée sans détour. Bah, donc voilà. Vous pouvez taper 20h04 la Bresse sur votre meilleur moteur de recherche celui que vous préférez. Ou sur YouTube et vous aurez accès à quelques vidéos, mais rien ne vaut l'expérience en live. Bah voilà, c'est sûr. Ah, mais je rappelle que tout ça est gratuit. Oui. Hein, on peut venir, comme beaucoup d'ailleurs, de choses proposées à la Maison de la Bresse gratuitement. Est-ce que ça s'adresse plus aux adultes ou est-ce que, par exemple, les ados peuvent venir assister? Est-ce que ouais, c'est intergénérationnel ou comment ça se passe? On va dire que les sujets ne sont pas tout à fait adaptés aux enfants. Oui. Après, les ados sont les bienvenus. Hein. Moi, j'ai ma fille qui a 13 ans qui vient systématiquement, ou presque, qui rend service et qui est toujours intéressé par ce qui se dit, donc voilà, c'est accessible aux ados sans problème. En fait, ça dépend vraiment si un sujet vous intéresse, venez, oui. Et vous verrez que les autres ne vont pas vous laisser indifférent. C'est sûr. Et au pire, si vraiment un sujet vous intéresse pas du tout, ce qui est assez peu probable, mais bon, dites-vous que le temps que vous vous en rendiez compte, il restera plus que 5 minutes. Quoi. C'est ça. C'était vraiment voulu, hein, cet aspect, oui. 20 minutes. Voilà, c'est un créneau qui parle. On a de facilité à se concentrer pendant 20 minutes. Au-delà, ça commence à devenir un peu... ça dépend. Mais ça dépend des personnes. Bah, oui. Si vous voulez, une concentration parfaite, ça ne dépasse pas 6 minutes. Hein. Ah oui. Oui, mais sur 20 minutes, on arrive à être passionné. Et surtout, on a aussi, quand on est du côté de l'intervenant, on a le temps de transmettre quelque chose. Eh oui, ça, mais c'est important. Tous diront que c'est trop court, 20 minutes. Tous, absolument tous, nous disent, mais c'est beaucoup trop court, comment je vais faire? Et d'ailleurs, régulièrement, ils disent, oh, il ne me reste plus que 5 minutes, j'aurai jamais le temps. C'est la règle du jeu, voilà. Il faut s'y faire, et ça demande plus de travail de raccourcir son propos et de le faire tenir en 20 minutes qu'en 1h30. Mais pour le public qui ne vient pas spécialement, enfin qui vient pas en spécialiste d'une question, ben 20 minutes, c'est une belle introduction. Et si on en veut plus, eh ben, c'est parfait. L'intervenant est encore là pour discuter après. C'est vrai. Donc, c'est clair et concis. 20 minutes, voilà, on se donne à fond pendant 20 minutes et vous en savez quelque chose. Oui. Parce qu'il me semble que vous avez été du côté des intervenants déjà. Oui, oui, je l'ai fait aussi, oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est passionnant, hein, de préparer une intervention comme ça, puis de devoir être accrocheur pour le public, c'est un beau défi. Bah oui. J'ai trouvé que c'était intéressant aussi justement cet aspect court. C'était vraiment quelque chose d'intéressant à travailler. Oui. Et puis c'est bien de se mettre à la place des gens que vous recevez, qui ensuite, oui. Eux-mêmes, ils passent entre guillemets. On sait un petit peu ce qu'ils vivent à ce moment-là, et puis on peut peut-être les rassurer. Voilà. Tout à fait. Donc jeudi 9 mai, et ben ça se passe à 20h04 à la Maison de la Bresse. Pour tous les intervenants dont on vient de parler aujourd'hui. Merci beaucoup à vous deux d'être venus nous parler de tout ça. Ben, d'être fidèles et de nous soutenir à chaque fois. Mais c'est avec grand plaisir. Et puis on se retrouve bientôt, Margot, pour le festival de sculpture Camille Claudel. Sans aucun souci. Merci beaucoup à vous deux. À bientôt. À bientôt.